ex n'auront jamais le même liquide que moi, bébé. Faut leur pardonner. Le compte est blanc cet été, on va tout claquer, bébé. On va trop choquer. Ça brasse du lundi au lundi, juste pour nous deux. Big trip, vacation dans les plus beaux pays. Dans les plus beaux pays. Là où il fait beau, c'est toi qu'il faut. À mes côtés. J'achèterai tout pour toi.